Marie-Ange Zeymane. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, voici les principaux titres de ce journal. Finalement, ce sont les véhicules de transport en provenance du Rwanda qui n'ont plus l'autorisation de traverser les frontières pour entrer au Burundi. Mais les véhicules qui vont au Rwanda en provenance du Burundi ont le droit de continuer à un peu rectifier le porte-parole de la police nationale. Il le dit au moment où les véhicules des deux côtés ne pouvaient pas franchir les frontières des deux pays depuis ce jeudi. Et puis Julien Balinzigo, journaliste du journal britannique Oximity News, a été libéré ce vendredi. C'est la satisfaction du côté de sa famille et de celle des journalistes, mais aussi du côté des avocats de la défense. Et puis Sadiki Bamoroussa, alias Simple, est porté disparu depuis mercredi le 27 juillet de cette année. Sa famille lance un appel à la police pour s'investir afin de savoir où il serait détenu, puisque cette famille a visité tous les cachots de la mairie de Bujumbura et n'a pas eu de traces de ce dernier. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir à Julien Balinzigo du journal britannique Oximity News, a été libéré provisoirement ce vendredi. Une satisfaction du côté de sa famille, de la famille des journalistes, mais aussi du côté des avocats de la défense. Étienne Babougirigé, un de ses avocats, remercie la justice qui a vu que son client est injustement incarcéré et qu'il n'y a pas d'indice sérieux de culpabilité. Suivez-le. Pour moi et toute l'équipe d'avocats qui ont pu défendre le journaliste Balinzigo, c'est un sentiment de satisfaction. Et aussi, nous remercions les juges qui ont pu comprendre que notre client est incarcéré injustement et qu'il n'y a aucun indice de culpabilité et que par après, les juges ont décidé de libérer notre client provisoirement. Du fait qu'on ne peut pas rendre une décision alors que le tribunal vient d'être scindé en trois, c'est pourquoi on a présenté notre client ce lundi passé devant le juge. On vient de libérer notre client et maintenant il est libre, mais il sera toujours poursuivi par la justice en état libre. Voilà, et le journaliste Jean Beguilmana du groupe Iwatch, par contre, reste introuvable. Il est toujours porté disparu depuis le 22 juillet 2016. Il a été enlevé à Bugarama, en province Muramvya. La police et le service national des renseignements ont dit qu'ils ne savaient rien sur son arrestation. Sa famille et le groupe de presse Iwatch demandent que sa vie soit préservée. Antoine Kaburahe, directeur du groupe de presse Iwatch, demande à ce que la police puisse accepter de faire des enquêtes sur base des résultats des enquêtes menées par le groupe de presse Iwatch, parce qu'il estime qu'il peut y avoir des indices, plutôt des pistes qui peuvent aider à le retrouver. Et puis, le Jean-Baptiste Balimonekeza, c'est le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, promet de continuer d'enquêter l'enquête plutôt que le CNIDH. La CNIDH plutôt avait commencé il y a peu. Il demande à la police de concentrer son enquête à Bugarama, car, précise-t-il, c'est connu que Jean-Baptiste Balimonek, plutôt que Jean Bigirimana, a été enlevé à partir de la zone Bugarama. Suivez Jean-Baptiste Balimonekeza, président de la CNIDH. Malgré les enquêtes menées à date, la CNIDH n'a pas encore trouvé ni le journaliste Jean Bigirimana, ni des informations pouvant nous éclairer sur sa situation actuelle. La CNIDH attache une importance primordiale au respect de la vie et des autres droits fondamentaux de la personne. La CNIDH est donc très préoccupée par la disparition de ce journaliste et demande à la police de poursuivre avec force l'enquête policière déjà ouverte en concentrant son attention sur la zone de Bugarama où Jean Bikirman a disparu. Il a été dit que pour se rendre à Bugarama, il y avait une personne qui avait appelé le journaliste Jean Bigirimana. Auriez-vous contacté cette personne? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Il y a des informations qui sont au niveau de la police judiciaire qui sont en réalité pas encore dans le public. Donc on ne pourra pas pour l'instant révéler certains détails par rapport, par exemple, surtout au témoignage. Dans l'objectif, encore une fois, il y a deux choses auxquelles on doit faire attention. L'une, c'est de ne pas faciliter la disparition de certaines traces. L'autre, c'est n'oubliez pas la protection des témoins, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent effectivement être en danger au cas où les ravisseurs, par exemple, apprenaient que telle autre personne les a dénoncés. Donc, pour l'instant, nous poursuivons les enquêtes, mais nous confirmons qu'effectivement, il y a des indications par rapport à l'existence de certains témoins. Jean-Baptiste Barimonekeza au micro de Joseph Sabiabandi. Notre personne portée disparue, c'est la personne de Bamurubusa Sadiki, alias Simple, habitant de la zone Bwiza, commune Mukaza, de la mairie de Bujumbura, aurait été enlevée par des hommes en tenue policière à Bwiza, 2e avenue, le 27 juillet 2016. Sa destination ou son lieu de détention reste toujours inconnu. Sa famille demande que la police s'investisse pour pouvoir le retrouver. Les détails avec Moïse Kampala, stagiaire à la radio Isangani. Bamurubusa Sadiki, alias Simple, était tailleur et travaillait au quartier Bwiza, 7e avenue. Son épouse informe que son mari a été arrêté le 27 juillet 2016 dans l'après-midi à Bwiza, 2e avenue. Il a été enlevé mercredi de la semaine passée. C'était le 27 juillet 2016, entre 15h et 16h. Il était à Buyenzi pour l'enterrement de son ami et rentré à la maison pour manger afin de retourner à son travail quotidien. Il a été arrêté à Bwiza, à la 2e avenue, alors qu'il rentrait à la maison. Ilangunda Fatuma décrit l'identité de ceux qui auraient enlevé son mari et la plaque de la voiture qu'il aurait transportée. Nous n'avons pas vu comment il a été arrêté. C'est un ami de mon fils qui a vu ceux qui l'ont amené et s'est précipité à la maison pour nous raconter la triste nouvelle. Ce garçon nous a raconté comment ça s'est passé. Il a vu deux hommes habillés en uniforme policier et mon mari a été transporté dans une voiture de marque Corolla de couleur bleue avec des vitres teintées et la plaque était C4607A. Les administratifs de la zone Bwiza disent qu'ils ne connaissent rien sur l'arrestation de Bamurubusa Sadiki. Sa famille demande à la police de s'investir pour lui montrer là où serait détenu son mari. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les véhicules de transport en commun en provenance du Rwanda ne vont plus traverser la frontière pour arriver au Burundi, mais les véhicules provenant du Burundi sont autorisés à franchir la frontière pour aller au Rwanda. C'est l'affirmation du porte-parole de la police nationale qui précise que cette mesure a été prise pour assurer la mise en application de la politique de protectionnisme des produits vivriers récemment adoptée par le gouvernement du Burundi. Il rejette l'information faisant état de la fermeture des frontières. Suivez Pierre Mouliki. Dernièrement, le gouvernement du Burundi a pris la mesure d'interdire l'exportation des produits vivriers vers les pays voisins. Et maintenant, la mesure est en train d'être mise en œuvre par les institutions habilitées, en l'occurrence la police qui opère au niveau des frontières. Je pense qu'il y a beaucoup de rumeurs comme quoi les frontières entre le Rwanda et le Burundi sont maintenant fermées. Ce n'est pas vrai. Le mouvement des personnes et des biens est normal, sauf que pour les véhicules qui assurent le transport en commun, ceux-là, s'ils sont en provenance du Burundi, ils peuvent aller au Rwanda à condition qu'ils ne transportent pas les produits vivriers en provenance du Burundi. Mais pour le mouvement inverse, ces mêmes véhicules qui assurent le transport en commun en provenance du Rwanda, la police a l'ordre de ne pas les laisser entrer sur le territoire du Burundi. Ce qui est interdit, ce sont les véhicules qui assurent le transport en commun et en provenance du Rwanda. Tout le reste est normal. Et pour les produits vivriers, ça concerne tout le Burundi et toutes les frontières du Burundi, les frontières avec tous les pays. Mais pour les réseaux de sécurité, c'est essentiellement le Rwanda parce qu'on sait que c'est un pays qui héberge encore des perturbateurs de la paix dans notre pays. Et on ne saurait pas laisser ce pays nous envoyer des éléments qui viennent perturber la sécurité dans notre pays. C'est pourquoi des fouilles sérieuses doivent être opérées. Et pour chaque entrée au niveau de la frontière avec ce pays. Toujours en rapport avec le commerce, observe un manque de billets de change aux différents parkings des bus de transport à mairie de Bujumbura. Certains transporteurs disent que ce manque est lié à l'absence des billets de 100 francs et des pièces de 50 francs burundais. Ces transporteurs indiquent que pour avoir les frais de change, ils doivent les acheter à des vendeurs qui parfois parviennent à franchir ou à dépasser les frontières de la capitale burundaise pour aller s'approvisionner plutôt à ses environs. Les détails avec Yves Munziman. Les transporteurs opérant à mairie de Bujumbura observent un manque criant des billets de 100 francs et de 50 francs pouvant leur servir de monnaie d'échange. Ce convoyeur explique qu'ils doivent l'acheter afin qu'ils puissent échanger avec ses clients. Le prix varie entre 200 et 250 francs pour un billet de 1000 francs. Pour échanger les billets, on nous donne 800 francs contre un billet de 1000 francs. Si ces billets manquent, on est obligé de transporter seulement les clients et assurer 3 billets de 100 francs ou les pièces de 50 francs pour éviter des confrontations entre convoyeurs et clients liées à ce manque de billets et de pièces. Selon son chauffeur de bus d'ici de la capitale, il explique qu'il arrive des fois où ils vont chercher cet argent en province de Bujumbura, plus précisément à Rushubi. Les échanges sont difficiles puisque les billets de 100 francs et les pièces de 50 francs sont rares. Il arrive des fois où certains prennent des motos pour aller les chercher à Rushubi. Là, pour l'échange d'un billet de 1000 francs, on nous donne 800 francs ou 750 francs. Des fois même, certains clients partent sans toutefois payer à cause de son manque de billets de 100 francs et des pièces de 50 francs. Signalons que ces transporteurs de bus demandent à la BRB de disponibiliser de l'argent en petites coupures afin de permettre le bon fonctionnement de leur activité. Vous saurez que le gouverneur de la BRB a demandé aux usagers de continuer à utiliser les pièces qui sont actuellement disponibles en attendant la fabrication d'une pièce de 100 francs. Even Gunzimana, stagiaire à la radio Isanganiro, page santé de cette édition. 26 cas d'épidémie de choléra ont été enregistrés au district sanitaire de Kabezi et c'est dans la province de Bujumbura, principalement dans la zone de Luziba. Parmi eux, 10 personnes sont déjà guéries. Tels sont les propos du porte-parole du ministère de la Santé, Tade Ndikumana. Il appelle la population à appliquer scrupuleusement les mesures d'hygiène. Suivez Tade Ndikumana. La mairie de Bujumbura, c'est dans la zone de Ruziba où nous avons déjà enregistré 3 cas de choléra. Et les autres cas proviennent de la district sanitaire de Kabezi. Principalement, c'est la colline Kabezi où nous enregistrons 18 cas. Et la colline Mena où nous avons déjà enregistré 2 cas. Au total, donc, nous avons environ 26 cas jusqu'à aujourd'hui. Et le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida a tout prévu pour subvenir aux besoins de ces malades. Et premièrement, c'est que les médicaments sont disponibles et sont dispensés gratuitement et l'accueil est organisé au niveau de l'hôpital de district de Kabezi. Nous incitons la population à mettre en œuvre scrupuleusement les mesures d'hygiène, notamment le lavage des mains avant de manger. Et pour la population qui ne dispose pas de l'eau potable, nous l'invitons à bien bouillir l'eau avant de consommer l'eau des rivières ou du lac. Qu'est-ce que le ministère de la Santé est en train de faire pour faire face à cette épidémie? D'abord, il y a une commission ad hoc qui suit au quotidien la lutte contre cette épidémie. Il y a des mesures indispensables qui ont été prises. Premièrement, c'est de s'assurer que les intrants sont disponibles ainsi que les médicaments. Mais aussi, tous les prestataires de soins ont été avertis pour qu'ils puissent s'apprêter à accueillir les malades au cas de choléra. Ensuite, ce sont des mesures de sensibilisation qui vont être diffusées. Et aussi, nous travaillons en commun accord avec l'administration depuis la base jusqu'au niveau provincial. Nous travaillons aussi en commun accord avec la protection civile qui approvisionne ces zones en eau potable, mais aussi la Croix-Rouge. Voilà, c'est Tade Ndikumana, il est porte-parole du ministère de la Santé. Poursuite de ce journal avec l'environnement, au moment où il se manifeste ces derniers jours des rongeurs en forme de poux qui menacent les eucalyptus dans la province de Bubanza, Mwaro et Gitega. Le secrétaire permanent au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage fait savoir que cette question sera traitée ce lundi lors de la réunion à Muinga, une réunion qui se tiendra entre le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, les directeurs provinciaux de l'Agriculture et de l'Élevage ainsi que les experts de l'ISABU s'agissant du produit efficace qui ne serait pas disponible au ministère. Séverin Bagolikonda dit que dans de telles circonstances, ils peuvent souvent utiliser les produits qu'ils détiennent à la direction de protection des végétaux. Il ajoute cependant que cela n'est pas aussi facile puisque les eucalyptus sont de taille élancée. Le taux de recouvrement des impôts à la fin du premier semestre de cette année est de loin inférieur à 50% à la commune Louis-Guy pour certaines rubriques, surtout l'impôt sur les propriétés, l'impôt sur foncier, plutôt l'impôt foncier. L'administrateur de la commune Louis-Guy conseille la population à s'acquitter de leurs devoirs en payant les impôts à la commune pour que cette dernière puisse mettre à l'œuvre les projets de développement de la dite commune et les détails avec Jean-Claude Chimilmana depuis Louis-Guy. Les taux de recouvrement les plus bas pour le premier semestre de cette année 2016 ont été enregistrés par la commune Rouigui dans les rubriques des impôts sur les motos et voitures, sur les vélos, les vaches et l'impôt foncier. Selon les données recueillies à la commune Rouigui, 548 500 francs burundais de taxes sur les motos et voitures sur un total de 4 208 000 francs burundais prévus toute l'année étaient déjà encaissés, soit 13% uniquement, un taux de recouvrement qui est égal à celui atteint pour l'impôt sur les vaches à la même période. S'agissant de l'impôt foncier, 966 552 francs burundais étaient déjà encaissés sur un total de 3 millions prévus, soit 32%. Pour l'impôt sur les vélos, 1 138 000 francs burundais avaient déjà été perçus sur un total de 3 millions prévus, soit un taux de recouvrement de 37%. Dieudonné Chitegete, administrateur de la commune Héroïgui, dit qu'il y a encore des récalcitrants qui refusent de payer les impôts et taxes, tout en reconnaissant qu'un pas en avant a été franchi en ce domaine par rapport aux années dernières. À cet effet, il conseille la population à s'acquitter spontanément des impôts et taxes dus à la commune pour que celle-ci puisse avoir les fonds nécessaires pour l'exécution à temps des projets de développement. Aux récalcitrants, il leur indique que des mesures incontournables seront prises à leur égard, car personne ne peut se passer du paiement des impôts et taxes. Jean-Claude Nshimirimana, Ruigi, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Claude Nshimirimana. Et Ngozi, plus de 60 enfants de la rue sont gardés au cachot de la police judiciaire d'Ngozi après une rafle opérée par la police cette nuit de jeudi à vendredi. L'administration et la police envisagent les faire entrer dans leur famille car ces enfants constituent, selon l'administration, un obstacle à l'ordre public dans la ville d'Ngozi. Les détails avec Apollinaire Mouzagar. Les enfants de la rue rafraîchis par la police au cours de cette nuit totalisent un effectif de 66, tous ayant l'âge compris entre 6 et 13. 65 proviennent des 5 provinces du Burundi, à savoir Ngozi, Gitega, Kayanza, Kirundo et Muyinga. La seule province Ngozi a à elle seule 49 enfants des 9 communes que compte cette province. Le 66e est un petit enfant de 6 ans de nationalité rwandaise. Le bon nombre de ces enfants disent qu'ils fuient la misère dans laquelle croupissent leurs familles. Le conseiller économique du gouverneur de cette province qui s'occupe de cette question indique que l'administration compte faire retourner ces enfants dans leur famille. Yann Emmanuel Akiza dit que ces enfants sèment le désordre en ville de Ngozi en commettant des cas de banditisme, l'ami comme la jour pour cette autorité. Ces enfants de la rue sont souvent utilisés par ceux qui veulent commettre des dégâts moyennant de petites récompenses. Et pour rappel, une telle opération avait été effectuée dans cette province il y a environ 3 ans. Les administrateurs communaux sont partis, chacun avec les siens, jusque dans leur ménage. Malheureusement, après des jours, presque tous ces enfants de la rue avaient déjà regagné le chef-lieu de la province Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci à Apollinaire Muzagara et c'est par ici que nous mettons fin à ce journal. Mais avant de vous quitter, nous rappelons les principaux titres. Et finalement, ce sont les véhicules de transport en provenance du Rwanda qui n'ont plus l'autorisation de traverser les frontières pour entrer au Burundi. Mais les véhicules qui vont au Rwanda en provenance du Burundi ont le droit de continuer à un peu rectifier le porte-parole de la police nationale. Il le dit au moment où les véhicules des deux côtés ne pouvaient pas franchir les frontières des deux pays depuis ce jeudi. Julien Balinzigo, journaliste du journal britannique Proximity News, a été libéré ce vendredi. C'est la satisfaction du côté de sa famille et de celle des journalistes, mais aussi du côté de ses avocats de la défense. Et Sadiki Bamourboussa, alias Simple, est porté disparu depuis mercredi, le 27 juillet de cette année. Sa famille lance un appel à la police pour qu'elle puisse s'investir afin de le retrouver, puisque sa famille a visité tous les cachots de la mairie de Bujumbura et n'a pas eu de traces de ce dernier. Eric assurait la mise en onde. Marie-Ange Nzemana à la présentation. Une bonne soirée à tout le monde.